Merci à tous et à toutes d'être venus. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre Jouventin, qui va nous parler d'Alexandre Grothendieck, qui est un mathématicien. En quelques mots, tout le monde ne connaît pas Pierre. Pierre est actuellement à la retraite, donc il a le temps de faire des recherches sur Grothendieck notamment, mais aussi d'écrire des livres. Donc depuis qu'il est à la retraite, il a écrit plusieurs livres. Les Confessions d'un primate en 2001, qui va être édité en avril 2016, sous un titre, avec un sous-titre, Les Sagouins, les Babouins, et je ne sais plus. En 2012, tu as écrit Kamala, une loupe dans ma famille, où il racontait sa vie avec une loupe en appartement. En 2014, trois prédateurs dans le salon. Les prédateurs, ce sont l'homme, le chien et le chat. Ouais. Et en 2014, La Place cachée de Darwin. Et donc va paraître la réédition en poche en avril 2016 à un petit prix, à 9,50 €, je crois, des Confessions d'un primate qui retrace un peu les rencontres de Pierre avec les animaux, puisque Pierre est chercheur au CNRS. Et a vécu plus de 8 ans en Antarctique, en cumulant un peu 8 ans d'un coup, parce que ça devient difficile. Donc il a travaillé avec les manchots, enfin il a vécu avec les manchots, avec des singes en Afrique, un tas d'animaux. Et ça fait plusieurs fois que tu viens de nous parler de différents sujets. En 2001, tu nous as parlé de nature et culture, en 2005, de sciences et sociétés. En 2011, les droits des animaux. En 2012, les darwiniens de droite et de gauche. Et voilà. Donc, avant de publier ces livres, depuis que tu es à la retraite et avant de publier les livres, tu as publié un nombre d'articles qui doit être très impressionnant, participé à des livres collectifs et réalisé des films, dont certains ont reçu des prix. Il y en avait un dont je me souviens, c'était la reconnaissance vocale des manchots. Donc, tu parlais avec les manchots, entre guillemets. Certains films ont été pompés d'ailleurs. Il y en a un qui est La Marche de l'Empereur, est très inspiré des travaux de Pierre. Il a touché zéro droit d'auteur. En ce moment, tu prépares un livre, tu as du mal à trouver l'éditeur. Je sais pas, ça y est, l'éditeur est trouvé et ce livre, ça aura un titre du genre L'homme, cet animal raté ou se rater d'évolution. Et je te laisse la parole. Donc aujourd'hui, Alexandre Grothendieck, un mathématicien. Méconnu, mais qui mérite d'être connu et que Pierre a connu, donc voilà pourquoi il est là pour nous en parler. Ok, bonjour. Alors, d'une part, je vous ai fait un petit résumé là, de la biographie de Grothendieck, qui se trouve d'ailleurs sur Internet, mais après là vous l'avez sous la main. Deuxièmement, il y a un bouquin. La seule biographie d'ailleurs. Non, parce qu'il n'était pas là pour la distribution du voisin. Un bouquin, non ? Il a eu la liste. Et donc, ce bouquin vient de sortir. Il est très bien. Et puis, donc, on vous indique que c'est tout à fait en dehors de mon travail. D'ailleurs, tout ce que je fais à peu près est en dehors de mon travail. C'est-à-dire, c'est la suite. C'est-à-dire que, par exemple, je loue dans ma famille, j'ai élevé une loupe dans un appartement, c'était complètement farfelu. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet. Darwin, c'est parce que pendant que je faisais mes recherches, je me servais continuellement des théories de Darwin. Et je me suis dit, quand même, Darwin, c'est quand même curieux qu'il ait pu prouver que l'homme est un animal sans voir les conséquences politiques, religieuses, morales. Donc je me suis dit, il y a un problème. Puis je me suis rendu compte, et c'est ce que j'explique. Alors là, je suis allé chercher, parce qu'en fin de compte, Darwin ne le disait pas. C'est-à-dire qu'il disait, non, moi je suis des trois scientifiques parce que vous n'avez pas d'histoire. Et ça, c'est ce qui lui a permis d'être enterré à la vie du mystère, alors qu'il a prouvé que la Bible était une connerie. Quoi. C'est pas mal. Et donc, en réalité, je fais une biographie inverse des précédentes. C'est-à-dire que je ne dis pas que Darwin a trouvé uniquement la théorie de l'évolution. Je dis qu'il avait très bien vu ce que ça donnait, mais il ne voulait pas s'emmerder. Il ne voulait pas que ça nuise à sa théorie de l'évolution, qu'elle se termine à un café du commerce, comme d'habitude, quand on parle de ce genre de sujet. Bon, passons. En tout cas, pour en arriver à Grothendieck, vous avez de la chance, parce que c'est un super sujet. Je l'ai fait tout à fait par hasard. Moi, je ne suis pas du tout mathématicien, j'étais biologiste. Et je ne savais pas qui était Grothendieck, je l'ai connu des années avant que je sache qu'il était mathématicien. En réalité, à l'époque, j'ai imprimé une revue que certains d'ici connaissent, qui s'appelait l'Ego, et que j'ai imprimé sur Offset. Et Grothendieck, qui était un écolo, que je connaissais comme un écolo vraiment radical, qui faisait à l'époque la revue Survivre et Vivre, m'a contacté pour me dire j'aimerais bien monter moi aussi une imprimerie offset pour imprimer ma revue. Et donc je suis allé lui monter une imprimerie offset chez lui, parce qu'il faut des tout extraits évidemment. Et puis moi, pendant des années, je n'ai pas su qui était Wozenik. Et donc après, on s'est retrouvé à Montpellier, où j'avais déménagé, et lui a été nommé prof de mathématiques à la fac de Montpellier. Donc on s'est retrouvé à nouveau. Et comme il avait souvent, je l'hébergeais, donc c'est comme ça que je suis arrivé sur Gutenberg, mais en réalité, c'est pas du tout. Et en tout cas, au point de vue mathématique, je ne suis pas très fort. Donc, je suis pas scientifique, je suis pas un besoin de mathématiques, je ne peux pas juger du niveau de Gutenberg, mais en fait, j'ai rencontré déjà de très haut niveau en France, de tout haut niveau en France, qui m'ont tous dit, d'une manière unanime, que Gutenberg était un génie des mathématiques, et que non seulement c'était probablement le mathématicien le plus important de notre époque, mais qu'en plus, probablement, ben, pour certains, ils considèrent que c'est le mathématicien qui a été le plus important du monde de toute l'histoire. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a amené le plus d'idées nouvelles en mathématiques. Pourquoi ? Parce que ce gars-là, il était spécial, c'est sa mentalité anarchiste, on va en parler, c'est qu'il reprenait tout à la base. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne faisait pas des mathématiques. Les mathématiciens normaux, ils font des recherches comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils cherchent un boulot sympa, qui leur plaît, etc. Et puis, ils reprennent ce qui a été dit et ils essayent de trouver le truc qui manque. Alors que lui, il refaisait tout. C'est-à-dire qu'il a refait les mathématiques. Et donc, repartant à la base, il a trouvé tout, mais l'autre n'avait pas vu. Et comme il avait une puissance de travail gigantesque, ce gars-là, il était capable de travailler 18 heures par jour sur les mathématiques en se concentrant pendant 18 heures. Hein. Donc, alors que nous, normalement, une heure, on est cuit. Donc, ce qui fait qu'il était un cadre particulier. Et en plus, il avait une vision aussi, c'est pour ça qu'on a dit, je prends ensemble l'anarchisme, c'est-à-dire qu'il avait une vision des mathématiques qui était un peu comme celle de Newton ou surtout d'Einstein, c'est-à-dire qu'il cherchait la vérité de la nature derrière les... Il cherchait les lois. Alors, il avait derrière le dessin intelligent design, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, dessin intelligent, c'est-à-dire qu'il... Il a été à peu près anarchiste, remettant en question évidemment l'existence de Dieu pendant 40 ans, et puis pendant 40 ans il était mystique, c'est-à-dire qu'il considérait que ce n'est pas possible que ce soit aussi bien fait, il y a quelque chose derrière. C'est un peu ce que disait Voltaire, que cet monde existe et n'est pas d'horloger. Donc en réalité, Einstein faisait pareil, c'est-à-dire Einstein, c'était comme Gutenberg. Il ne pensait pas qu'il y avait un bon Dieu avec une barbe, etc. Mais il se disait, c'est trop bien fait, il y a quelque chose. Alors moi, je suis complètement à l'opposé, puisque je suis biologiste, et que donc, le darwinisme, je sais expliquer pourquoi il y a l'homme et pourquoi on en est là. Mais enfin, en tout cas, pour lui, qui était un mystique et qui était un mathématicien, il est resté dans cette vision du monde que c'est formidable ce qui est autour, c'est trop parfait. Comment ça t'explique ? Et donc, il a une approche qui n'est pas du tout celle du mathématicien normal, qui veut gagner sa salaire à la fin du mois, et qui s'en fout, et qui veut trouver un petit truc que les autres n'ont pas trouvé, pour se faire remarquer, pour avoir de l'avancement, etc. Donc, il avait une vision des mathématiques qui était mystique. Et d'ailleurs, à la fin, il a fini comme un mystique complet. C'est-à-dire qu'à la fin, il recevait plus personne, y compris moi. Il avait coupé les ponts avec tous ses amis, il avait coupé les ponts avec toute sa famille. Ses enfants ne le voyaient plus. Donc vous voyez que c'est un mec spécial. Passons, on continue. Alors, on avance. Voilà. Alors, j'ai partagé l'exposé à tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas trop parler, parce que sinon on n'entend plus avec un gars comme ça, pour que vous ayez le temps de discuter. Donc, moi j'ai partagé ça en quatre périodes. D'abord la Patride. Parce qu'il a eu une vie incroyable, le fait qu'il était le fils d'un célèbre anarchiste, qui est un des plus célèbres anarchistes du monde, qui a été condamné à mort, ouais, je vous l'avais vu dans la pub, là, si je puis dire, dans l'annonce, qui a été condamné par les bolcheviques à mort, par les bolcheviques, par le tsar, par les services du tsar, par les nazis, par les services de Vichy français, par les franquistes. Chaque fois qu'on allait à mort, hein, et qu'a perdu ses badards, bon, passons, donc c'est un mec particulier. Et donc, la patrie, c'est-à-dire d'une part, il y a eu une famille assez bizarre avec un père qui était un anarchiste super militant et d'origine ukrainienne, et puis une mère qui était d'origine allemande et qui était d'origine protestante. Donc il a deux parents qui sont imbibés de religion, mais à fond. C'est-à-dire que le père, il est de famille juive, très croyante, avec des rabbins, et puis la mère, elle est de famille protestante, très croyante. Donc c'est des gens qui sont... Bon, je ne veux pas discuter sur la distance de Dieu, vous avez vu ce que j'en dis, mais dans ce moment, c'est des gens qui allaient au fond des trucs, et qui étaient prêts à sacrifier leur vie. Et c'est pour ça qu'au lieu d'élever leur fils, ils l'ont confié à un pasteur, ils se sont tirés en Espagne pour faire la guerre. Donc il a eu une vie un peu bizarre, hein. C'est pour ça qu'il a été un apatride. Et puis après, le deuxième niveau, c'est qu'il est devenu, après, comme il était très doué en mathématiques, il est devenu un génie des mathématiques, on s'est rendu compte qu'il était hors du commun, et là, c'est la deuxième, vous voyez, c'est pas du tout le même bonhomme, et puis après, il s'est rendu compte dans les années 60, un peu avant 68, aux États-Unis, qu'il y avait la guerre du Vietnam, et il s'est dit, merde, au bout de 20 ans de recherche, mais il y a la science, c'est ce qui est derrière la technique, et donc la technique, c'est ce qui est derrière le complexe militaire ou industriel. Évidemment, il débarquait, le gars. Moi, quand je suis dans la recherche, je savais très bien où je mettais les pieds, et lui, il ne savait pas. Donc, il s'est lancé là-dedans, il faisait des mathématiques, et puis au bout de 20 ans, il s'est rendu compte qu'il a foutu les pieds dans la merde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, d'un seul coup, il a eu une illumination, il s'est dit, merde, mais je suis, c'est moi qui favorise la société de merde dans laquelle on est, c'est-à-dire les guerres, tout ça, pour faire un engin balistique, il faut beaucoup de mathématiques, donc je fais l'origine de ça. Et donc, il a voulu arrêter net. Et alors, pendant 20 ans, il a bossé comme un fou à raison de 15 ou 18 heures par jour, en emmerdant, et c'était un vrai tyran sur le plan relationnel avec ses étudiants, il les faisait bosser comme des esclaves, et puis, mais pas spécialement pour les exploiter, hein, simplement parce que c'était un bourreau de travail, et il estimait que tout le monde devait être un bourreau de travail. Et puis, et ses collègues, pareil, et puis après, au bout de 20 ans, il a dit, non, il faut que vous arrêtiez, c'est nul, la science, il faut arrêter, vous êtes complice. Donc les gars lui ont dit, il est fou, et ce gars-là s'est replié, est devenu un ermite, et c'est ce que j'ai raconté. Et là, alors il est devenu d'abord un écolo, avant de devenir un ermite, vous voyez là au milieu de bouddhistes, de tas de gens, et puis à la fin, vous voyez là, le dernier portrait, ces quatre portraits sont pas mal, parce qu'ils donnent bien une idée du bonhomme. Et puis le dernier portrait, c'est l'ermite qui voit plus personne, qui était un peu beaucoup parano, et qui avait des visions mystiques. Donc c'est complètement... C'est un gars qui a vécu plusieurs vies à la file. Ce n'est pas propre sur lui, hein, je peux te le dire à la fin. À la fin, oui. Mais au début, là, quand il était génie mathématique, non, il était propre. Il était bien rendu. Alors, son père Alexandre Shapiro. Voilà, condamné à mort par le tsar Nicolas II à l'âge de 14 ans, pour tentative d'assassinat. Mais on s'est dit, il est trop jeune. Tous ses copains de son groupe et de sa bande d'anards tueurs là, ont été zigouillés. Il n'y a que lui qui s'en est tiré. Et il a été condamné, au lieu de le zigouiller, comme il avait 14 ans, on l'a condamné à perpétuité. Mais après, ça a été la révolution bolchevique. Donc il se retrouvait condamné à mort par les bolcheviques, parce qu'évidemment il s'est mis en opposition avec les bolcheviques. Il a essayé de s'évader, deux tentatives d'évasion, il a perdu un bras. Il est allé en Ukraine, il n'était pas dans l'armée de Magno, mais il a monté un groupe qui était affilié, enfin, en relation avec l'armée de Magno. Et donc, ils ont lutté contre les Russes, les bolcheviques. Et puis après, ils ne sont pas arrivés, ils se sont tirés. Et là, ils sont allés à Berlin. À Berlin, évidemment, vous pensez que c'était l'époque d'Hitler. C'était pas le bon endroit pour un gars comme ça. Il a été condamné à mort, évidemment. Il a fallu qu'il se tire encore. Ensuite, il s'enfuit à Paris. Il gagne sa vie comme photographe ambulant. C'est-à-dire que ça fait partie des gens qui, à une certaine époque de l'anarchisme, beaucoup d'anarchistes avaient des boulots comme ça, des petits boulots qui leur permettaient de s'en tirer. Il était représentant, il avait un petit boulot, et lui, c'était photographe ambulant. Et puis après, il a laissé son fils, qu'il a eu avec une journaliste donc, d'origine protestante, qui a quitté son mari et qui a fait un gosse avec lui. C'est pour ça qu'il a une histoire. Déjà, avant qu'il soit né, c'est déjà une histoire de fou. Et puis ensuite, à 6 ans, les parents le confient à un pasteur protestant pour qu'il l'élève, et eux, ils estiment qu'ils ne sont pas là pour élever des enfants, ils sont là pour faire la révolution. Et donc, ils partent en Espagne, ils se battent contre les franquistes, ils manquent à mourir, et quand ils s'aperçoivent que c'est foutu, ils reviennent en France, et en France, c'est le gouvernement de Vichy qui les capture, qui les donne aux nazis, les nazis les envoient, l'envoient le père en camp de concentration, et aussitôt arrivé, chambre à gaz, et la mère et l'enfant sont dans un camp de femmes, et ils arrivent à en échapper parce que la mère comprend bien qu'elle va y passer, et heureusement on trouve des protestants qui sauvaient des enfants juifs, et donc c'est comme ça qu'ils échappent à la mort. Donc c'est un peu, si vous connaissez Boris Cyrulnik, il a eu une enfance de ce type. Pour les gens qui s'intéressent à la psy, là, voilà, que je connais bien d'ailleurs, Boris Cyrulnik, mais c'est un gars qui a eu les mêmes enfances, et quand vous avez une enfance comme ça, ben vous voyez les problèmes différemment. Hein. Vous n'êtes pas un bourgeois dans votre chaise, hein, parce que là, vous savez que vous jouez la vie. Et donc, là, il a été zigouillé par les nazis, et c'est la police française qui l'a coincé après tous ces gens-là, hein, c'est dingue. Alors, voilà sa mère, Anka Grothendieck, parce qu'en réalité, Grothendieck, Alexandre Grothendieck, porte le nom de sa mère, est une journaliste protestante issue de la bourgeoisie et devenue socialiste révolutionnaire. Voilà la famille Grothendieck, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, mais en réalité, lui n'a jamais vécu dans cette famille, parce que la femme s'est tirée, elle est partie avec le révolutionnaire là, dont on a parlé. Et eux, ils n'avaient pas le temps, ils faisaient la révolution, ils n'avaient pas le temps de lever l'enfant, donc ils ont confié cet enfant et ils sont partis faire la révolution en Espagne. Alors, Alexandre et sa mère sont enfermés dans le camp de femmes de Rieucros, en Lozère. Ils sont séparés et il en sort chaque jour pour aller suivre les cours au collège Sévenol de Chambon-sur-Lignon. Transféré le 14 février 1942 dans le camp de Brance, près de Gaillac, dans le Tarn, antichambre de la déportation de la mort. Ils s'évadent, ils sont cachés par une association protestante suisse, qui s'est donnée pour mission de sauver les enfants juifs. Donc, ils sortent par miracle, normalement ils étaient condamnés. Ils s'en tirent par miracle, et donc, ce gars-là, ça va le marquer toute sa vie. La mère mourra en 1957 à Montpellier de la tuberculose, contractée dans les camps, parce qu'elle était tellement une vie difficile, évidemment, là, elle était au bout du rouleau. Et lui, vous le voyez, là, il est bien cette photo, d'ailleurs, ils l'ont prise pour le bouquin, pour sa biographie. C'est le gars qui va conquérir le monde, vous voyez, là, on revient à la tête, il a ça. Et alors, donc, 1934, confié à un pasteur protestant pour partir en Espagne. 1939, retrouvailles avec ses parents à Paris, qui viennent de rentrer d'Espagne, et qui ont perdu, si je puis dire, puisque Franco... Je peux faire une remarque, 34, c'est la révolution d'octobre, c'est pas le début de la guerre d'Espagne, donc ils sont partis probablement en 36. Je ne sais pas. Ah oui, vous regardez le bouquin, hein. Je ne me rappelle plus moi des dates, je ne suis pas l'historien. Hein. Donc il y a un bouquin qui dit toutes les dates, je peux me sois trompé, c'est possible. En tout cas, 1939, retrouvailles avec ses parents à Paris, puis Montpellier, donc il n'était pas loin. Hein. Mais là, en 1934, il va à Berlin, il est élevé par un pasteur, ses parents reviennent d'Espagne, le récupèrent, l'amène à Nîmes, la police Vichy, la police affiliée aux nazis, le dénonce, le récupère, et le donne aux nazis, qui flingue son père, et qui met en concentration sa mère et lui. Et puis, sa mère arrive à le soustraire, à partir, à se faire cacher par les protestants, et il reste vivant. Et en 1939, donc, retrouvailles avec ses parents à Paris, puis Montpellier, ça je l'ai dit, 1939-1944, étudiant en Lozère, et donc là, il avait déjà des dons pour les mathématiques, et il voulait, pour lui, c'était formidable, les mathématiques, ça lui plaisait beaucoup, et par exemple, il a appris à parler français, il parlait cinq langues, Grothendieck, hein, Alexandre Grothendieck. Et donc, c'était un polyglotte, il a passé sa vie à balader d'un coup à l'autre. Et donc, il était très branché sur les mathématiques, et quand il a découvert que le cercle, c'était un point qui toutes les points à égale distance de ce point central, ça faisait un cercle, c'était une grande découverte. Après, il a redécouvert pi, c'est-à-dire 3,14, et il s'était trompé, il est tombé sur 3. Mais il a dit, évidemment, comme il était toujours sûr d'avoir raison, il a dit, ils sont trompés, c'est pas 3,14, c'est 3. Mais non, évidemment. Après, comme il estimait qu'il devait tout redécouvrir par lui-même, et que c'était des conneries, les profs et les bouquins, il lisait pas les profs, il n'allait pas au cours, et il lisait pas les bouquins. Donc, il a retrouvé des démonstrations qui étaient archi connues, qui étaient connues 50 ans avant. Par exemple, pour évaluer la masse d'un nuage, il y a une formule que je connais pas du tout, et enfin j'ai lu, qui dit qu'il faut faire telle formule, Bon, c'est vachement compliqué, bien sûr, ça date de 50 ans, mais lui, il a retrouvé, quand il a trouvé ça, il était vachement content, il a montré à ses profs, il a dit, t'as qu'à lire les bouquins, c'est déjà marqué dedans. Mais le gars, c'est là que vous voyez le gars spécial, c'est-à-dire que le gars, il partait toujours de zéro, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il réinvente le monde. Donc, ensuite, alors, comme étude assez médiocre, hein, parce qu'il était trop bizarre, comme bonhomme, mauvais étudiant, c'est-à-dire qu'il s'en foutait, quoi, il avait à peine au cours. Mais par contre, des dons extraordinaires. Il fait la licence de maths à l'université de Montpellier. Il était bien au-dessus du niveau des gars habituels, mais il allait à peine au cours. Et puis ensuite, en 1953, bon, comme il obtient une bourse pour faire une thèse, ben, il commence à s'intéresser à ça, mais il est tellement emmerdant que les profs lui disent « Bon, ce gars-là est une pompe l'air, on va lui donner des trucs insolubles pour qu'il arrête de nous casser les couilles. » Et donc, ils font la liste de tous les problèmes insolubles. Il trouve 14 problèmes insolubles. Il lui dit, voilà, tu veux travailler, tiens, prends ça et tu reviendras quand tu auras trouvé. Il revient 6 mois après, il a tout trouvé. Bon, évidemment, ils se sont dit, là, il y a un problème. C'est pas normal. Hein, il y a quelque chose. Alors, ils se sont dit, ce gars-là est vraiment un génie, quoi. Parce que le gars, il avait à l'époque, même pas 20 ans. Hein. Et en fin de compte, quand il a passé sa thèse, il y avait la valeur de, d'après les spécialistes, moi je suis pas capable de juger, il y avait la valeur de 4 thèses dans sa thèse. Et en plus, ce n'était pas une thèse bidon, comme j'en ai vu tant. Hein. C'est-à-dire des gens qui répètent indéfiniment les trucs. Hein. Là, c'était des vraies thèses. C'est-à-dire que le gars, une seule thèse était déjà vachement originale, renouvelait tout un pan des mathématiques, et il en a fait 4, à la fois dans une. Alors, après, lui, bah, il fallait bien qu'il bouffe. Hein. Donc, il a accepté un contrat de prof à Sao Paulo, au Brésil. Et puis, il a cherché des petits boulots. Il est allé à l'université du Kansas et de Chicago. Comme il était polyglotte, ce n'était pas difficile. Et puis, en 1956, il est recruté au CNRS comme maître de recherche parce que les gars se sont dit, ce mec-là, il est vraiment trop doué. Il faut absolument pas qu'il parte aux États-Unis ou ailleurs. On va le récupérer. Donc, mais le gars, ils l'ont recruté au CNRS, mais il était apatride. Donc, il pouvait pas être fonctionnaire de l'État. Et donc, à l'époque, en tout cas, c'était comme ça. Et donc, ils ont été embêtés. Alors, ils ne savaient pas comment. Ils voulaient garder le gars, mais ils ne pouvaient pas le recruter au CNRS, qui aurait été la suite logique. Donc, ils ne savaient pas comment se tirer d'affaire. Et là, ils inventent un truc, c'est-à-dire qu'ils créent un mini CNRS pour un mec, pour un gars. C'est-à-dire qu'ils prennent. Ils copient sur un institut qui existe aux États-Unis, qui fait un peu la même chose, qui est pour les génies, quoi. Pour les gars, les vraiment hors du commun. Et il crée un institut des études supérieures, qui existe encore d'ailleurs, hein. Mais qui contient, j'ai plus deux ou trois chercheurs, un truc incroyable, quoi. Et là, ils l'ont fait pour lui tout seul. Et c'est en 1958. Et donc, le gars, peinard, il a son petit institut à lui, plus de problème, il fait ce qu'il veut. Ceci dit, c'était pas le gars à coincer la bulle, hein, et à se dire, ça y est, j'ai un salaire. Le gars, il travaillait tellement qu'il tuait les gens qui travaillaient avec lui. Hein. Et puis, en 1966, on lui attribue la médaille Field. La médaille Field, c'est, comme il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, c'est un peu l'équivalent. Et on devait la lui remettre à Moscou. Comme son père, il avait un gros contentieux avec Moscou, et qu'en plus, il se voulait le digne fils de son père, c'est-à-dire continuer à estimer que son père était une sorte d'envoyé de Dieu, à la fin de sa vie en tout cas. Et puis, il fallait qu'il reprenne le flambeau et qu'il le porte. Et donc, il a refusé, il a dit non, moi, Moscou, pas question. Donc, déjà, on est obligé de lui envoyer la médaille Field, qu'il refuse d'aller chercher. Après, en 1970, il s'aperçoit, alors c'est juste après, dans les années 67, il va aux États-Unis, il découvre la guerre du Vietnam, il découvre que la science, c'est pas aussi sympa qu'il croyait, parce que lui, il voyait que l'aspect découverte, etc. Puis, du coup, il s'aperçoit que la science, c'est un lien avec la technique, hein, technoscience. Et donc, là, il commence à voir, il va au Vietnam pour voir, il s'aperçoit que c'est les défoliants, tous ces trucs-là, il est écœuré, et il s'aperçoit qu'il y a 5% des crédits de l'institut dans lequel qu'on a créé pour lui qui sont d'origine militaire, du budget militaire des armées. Il dit quoi ? 5% ? Je démissionne. Donc il refuse la planque qu'on lui a donnée et il décide de plus être. Il est tellement entier, ce gars-là, que le seul boulot, on lui fait un CNRS sur mesure pour lui, il démissionne. Les gars étaient scandalisés, évidemment, dans la communauté, ils se disent, il est fou, quoi. Il est ma boule, ce gars-là. Tout ça pour 5% de crédit, quoi. Et Alors, il a encore une médaille, bon, dont il se servait pour casser ses noix, passons. Et puis, en 1988, il reçoit le prix Crawford, qui est un des prix peut-être le plus connu, le plus célèbre, et qui est associé à 5 millions d'euros. Hein. Il dit non merci, j'ai assez d'argent comme ça. Il refuse le prix, et il refuse les 5 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est quand même un mec à part. Alors, donc, je vous ai dit que dans les années 67, il découvre la guerre du Vietnam, il démissionne en 1970, et alors, ce que je vous ai dit rapidement, après avoir travaillé les maths jusqu'à 18 heures par jour, il demande à ses collègues et élèves d'arrêter la recherche pour stopper le développement de notre société de consommation avant la catastrophe. C'est un catastrophiste, comme moi d'ailleurs, moi je pense aussi comme dans le mur. Mais enfin bon, passons, c'est un détail. En tout cas, lui était persuadé et il dit, je vais avertir, il faut que ça s'arrête. Et donc, il fait d'abord une sorte de conférence, et comme il est médaillé au fil, donc c'est la vedette, tout le monde vient, et il leur dit, il faut arrêter la recherche. Hein. Les gars, il est fou. Et donc, lui, il est vachement vexé, parce qu'il croyait que c'était comme en mathématiques. C'est-à-dire, quand vous avez démontré un truc, si c'est prouvé, après, tout le monde suit. Mais dans la société, c'est pas aussi simple. Ça, il n'avait pas compris. Donc, voilà la fiche. En plus, il fait une conférence au CERN. Je ne sais pas si vous connaissez le CERN. C'est le CERN, c'est le grand truc qui tourne là, et où il y a la noblesse de la recherche. Où ils ont trouvé le boson de Higgs. Voilà. Et donc, là, il y a les chercheurs les mieux payés, les plus prestigieux, tout ça. Et il va là-bas en tant que médaille field. Et puis, il leur dit, il faut arrêter la recherche. Bon, évidemment, ça n'a pas eu beaucoup de succès. La conférence est en ligne. Laquelle? Oui, sur Internet, vous avez plein de trucs sur Botanique, hein, qui sont déjà depuis, je ne sais plus combien, 15 ou 20 ans. Mais jusqu'à la mort de Botanique, j'avais beau expliquer à tout le monde que Botanique était un grand bonhomme, personne ne me croyait. Maintenant, rien que pour cette conférence, j'ai déjà eu deux mails qui me disent « Vous n'y connaissez rien, Botanique, c'est vachement, je connais depuis toujours, etc. » Bon, passons. En tout cas, est-ce qu'on sait les réactions du public à cette conférence? Que tu sais, c'est... Ben, d'après ce que j'ai compris, évidemment, ils n'ont pas fait un truc, mais d'après ce que j'ai compris... Ils l'ont hué ou... Non, ça c'est pas les scientifiques, ils sont polis quand même. Donc, ils ont été froids, quoi. Par contre, à la conférence précédente qu'il a fait, je crois que c'était à Chagossé, ses collègues lui ont dit, non, mais vous croyez que vous avez découvert le fil à la coupe de beurre, hein, vous plaisantez. Nous, on sait tout ça, et c'est pas ça, c'est ce que vous nous dites n'est pas suffisant pour nous faire changer d'idée. Nous, on fait des mathématiques, et c'est pas notre problème. Et donc, il s'est fait jeter, quoi. Enfin, poliment, quoi, hein, ça se fait pas de jeter comme ça, mais donc, et il le prenait un peu pour un fou, quoi. Ce qui était en partie vrai, parce que c'est un gars spécial, quand même. En tout cas, ça, c'est en 1970, il décide d'arrêter la recherche en mathématiques, et il crée la revue, d'abord Survivre, et puis après les gens lui disent Survivre, c'est trop de pessimiste, il rajoute et Vivre, pour dire il ne s'agit pas seulement de prêcher la fin du monde. Et là, c'est là que je le rencontre, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, puisqu'il cherche à monter une imprimerie offset, et que moi j'étais devenu un spécialiste de l'offset. Et donc, je lui montre son imprimerie offset, et je lui dis attention, l'offset c'est super délicat. Ne laisse pas, il faut qu'il y ait un seul mec qui s'en occupe, le moindre cheveu c'est foutu, etc. Donc je lui dis, fais attention, il me dit, non, pas question, moi j'ai des principes, tout est à la disposition de tout le monde. Bon, au bout de 3 mois, la première offset était foutue comme par hasard. Alors, en 1970, il est professeur invité au Collège de France, c'est-à-dire qu'il a arrêté son institut, donc il se trouve disponible, et on l'invite à passer un an, et normalement, quand vous êtes invité d'abord au Collège de France, c'est le top de la recherche française, c'est pour les grands cerveaux, quoi. Et donc, en réalité, quand on vous invite, c'est avant de vous recruter. Et donc, normalement, au bout d'un an, il aurait dû être professeur au Collège de France. Mais, au lieu de faire un cours de mathématiques, il fait un cours d'écologie. Alors qu'il ne connaît rien d'écologie, hein. Moi, c'est mon boulot, l'écologie. Il ne m'a jamais posé une question sur l'écologie. Enfin, lui, ce qu'il appelait l'écologie, c'est ce que j'appelle, moi, l'écologisme, c'est-à-dire l'écologie politique. Alors que moi, je parle de l'écologie scientifique, qui d'ailleurs a des liens, mais en tout cas, il ne les voyait pas. Il ne m'a jamais rien demandé. En tout cas, il est professeur invité au Collège de France, il fait des cours qui n'ont tellement rien à voir avec ce que tout le monde attendait, qu'au bout de l'an, poliment, comme on fait dans la science, dans la recherche, on ne lui renouvelle pas simplement son contrat, c'est tout. On ne le fout pas dehors parce qu'on attend la fin, on se dit, ma boule, c'est bien là, on invite pour raconter les mathématiques, et puis il va raconter que la Terre va sauter. Donc, en 1971, alors jusqu'à présent, il était apatride, mais là, il n'y a plus de guerre. Donc il sait qu'il ne va pas aller à l'armée, il avait peur d'aller en Algérie. Donc il se fait naturaliser en 71, et en 72, à ce moment-là, quand son affectation au Collège de France est refusée, évidemment, ce qui était normal, comment voulez-vous que le Collège de France le recrute ? Non, mais je veux dire une chose tout à fait personnelle, j'ai beaucoup de points communs avec lui, puisque jusqu'en 1971, j'étais apatride. Oui. Et puis on a été naturalisé. D'ailleurs, il a eu une histoire assez rigolote, Gotenic, qui nous donne quand même, c'est plus une anecdote, mais en fait, ça vous donne le style du bonhomme, c'est que. Il a été évidemment longtemps apatride, et puis il ne s'occupait absolument pas. Il recevait à Villequin, c'est-à-dire à côté de l'Odève, à 10 km de l'Odève, à côté de Montpellier, 50 km de Montpellier, il recevait des tas de gens dans sa baraque. Alors il avait acheté une grande propriété, et comme il n'avait pas besoin de tout, avec son salaire de prof, là, quand il avait un salaire, et puis comme il n'avait pas besoin de tout, il a dit tous ceux que ça intéresse, vous n'avez qu'à prendre. Donc il a donné des terrains à tous les gens qui voulaient. Donc, alors, les gens étaient super sympas, surtout pour avoir le terrain, puis après s'engueuler, enfin, le problème habituel, quoi. Donc, il s'est retrouvé avec une vie de baraque, il avait l'eau électricité qu'il n'utilisait pas, hein, il ne savait quasiment pas d'électricité, et l'eau, il la prenait dehors, donc c'était un peu spécial. Et alors, ce que je voulais arriver à dire, c'est qu'il a reçu une fois un moine bouddhiste qui n'avait pas de permis de séjour en France. Donc, le gars a été foutu en prison, et lui a été puni, il a été condamné, enfin par une petite peine, je ne sais plus combien, parce qu'il avait hébergé ce gars-là. Et il a dit, ah non, moi, 1000 euros, ça ne suffit pas, hein. il faut me mettre en prison. Et donc, il est allé gueuler pour demander à être mis en prison. Et il a refusé l'avocat pour se défendre, et il a fait la plaidoirie lui-même, et il a dit, non, moi je refuse d'avoir simplement une amende. J'estime, ou bien je suis dans l'illégalité et vous me mettez en prison, ou bien vous m'acquittez. Mais vous ne pouvez pas prendre une solution intermédiaire. Alors évidemment, il était emmerdé, les gars. Le préfet ne savait plus quoi faire, parce qu'il venait d'avoir déjà sa médaille field. On n'allait pas ni en prison, ni faire un scandale. Donc ils ont dit, bon, ça va, regardez au franchement. Ça s'est terminé comme ça. Donc c'est pour vous dire le style du bonhomme, quoi. C'est un gars qui est toujours jusqu'au bout. Et donc, alors, l'histoire aussi... professeur de mathématiques, la candidature des postes de professeur de mathématiques dans les universités parisiennes. Alors là, il a déjà laissé tomber son CNRS sur mesure, son mini CNRS. Il veut bien être prof. Il dépose des dossiers de candidature pour être prof dans les universités autour de Paris, mais il rajoute un petit mot, je ne veux pas enseigner les mathématiques. Il veut être prof de mathématiques sans enseigner les mathématiques. Bon, alors lui, c'était logique ce qu'il disait. Mais comment voulez-vous que les gars le recrutent dans ces conditions ? Pas possible. On ne va pas recruter un prof de mathématiques qui refuse d'enseigner les mathématiques. Hein. Donc, les gars auraient bien aimé le prendre, parce qu'il avait un tel palmarès que c'était hors du commun, mais il ne pouvait pas le prendre, parce que le gars, il savait très bien qu'il n'enseignerait pas les mathématiques. Donc, personne ne l'a recruté. Mais, à Montpellier, où ils sont assez nuls sur le plan mathématique, ils ont, bon, je sais ça, hein, travailleurs. Enfin, en tout cas, ils se sont dit, pétard, un mec de ce niveau-là qui est refusé par Paris, etc., nous on le prend. Alors ils ont fait une magouille, ça je le sais pas par lui d'ailleurs. En réalité, ils lui ont dit, bon, écoute, tu feras pas des cours de mathématiques, mais tu discuteras avec les étudiants. Et donc lui, il a dit, bon, ça va, un salaire pour discuter avec les étudiants, pas de problème. Donc il est devenu prof de mathématiques sans enseigner les mathématiques. Et il a tenu comme ça 20 ans à Montpellier. Ce qui me laisse rêveur, hein, même pas sombre. en tout cas, à la fin de sa carrière, alors après il s'est engueulé avec tous les gars de son service de mathématiques, de son département de mathématiques. Il y a eu des histoires terribles, il y a les gars qui lui ont viré, parce qu'en plus il venait quand il voulait. En plus il arrivait en pieds nus, en sandales, en vélo moteur, avec un cajot derrière et des flûtes de pain qui sortaient. Bon, c'est sûr que les collègues, ils trouvaient qu'il était bizarre. Hein. Et donc, il y avait en particulier un qui ne pouvait pas le virer, qui était au PC d'ailleurs, et qui a viré toutes ses affaires de son bureau, et il s'est retrouvé avec toutes ses affaires dans un coin, dans le couloir. Donc il n'était pas content, il s'est fait une histoire à la fac de Montpellier, tout ça, ils ont étouffé l'affaire, ils se sont excusés, l'administration, mais il n'empêche que le gars, on l'a foutu dehors carrément. Alors lui, comme il n'était pas content, il a dit, bon, c'est comme ça, je ne reviens plus, et il a demandé un poste pour faire finir sa carrière, non plus comme prof de mathématiques, mais pour retourner au CNRS. Parce que là, il avait le droit d'entrer pour la bonne raison qu'il avait été naturalisé. Donc il avait le droit maintenant d'entrer au CNRS. Donc, il croyait que d'office, il obtiendrait un poste. Et d'autant plus qu'il y a dans le jury qui décidait, les matheux qui décidaient des nominations, il y avait trois de ses élèves. Donc il s'est dit, il n'y a pas de problème. Or, ses élèves le trouvaient un peu bizarre et ils ont refusé de le recruter la première fois. Donc il était un peu vexé. Et la deuxième fois, ils l'ont recruté en lui disant, bon, on ne vous met pas sur un poste, mais on vous met sur un contrat provisoire, etc. Donc jusqu'à, il a, je ne me rappelle plus, c'est 3-4 ans, les dernières années avant sa retraite, il a été directeur de recherche au CNRS. Et puis après, il est parti dans le Vaucluse. Et là, il a commencé à couper les ponts. Et là, moi, j'avais son numéro de téléphone, impossible de le joindre. Et donc, j'ai appris après, et c'est là qu'il commence à couper les ponts avec sa famille, avec ses amis, tout ça. Et moi, j'ai appelé, personne n'a jamais répondu. J'avais son numéro, mais il n'y avait personne qui répondait. Alors, à la fin, j'ai appris par son fils qu'il avait mis le téléphone au fond du jardin du cabane, de manière à ne pas être dérangé par la sonnerie, il s'en servait que pour appeler. Mais il ne recevait pas les coups de fil. Donc évidemment, ce n'était pas facile. Et en plus, il estimait, alors là, il y a plus multiples explications, moi j'ai mon explication, qui a repris d'ailleurs quasiment mot par mot dans sa conclusion, le gars qui a fait cette biographie, je pense qu'il était vexé du fait qu'il ait annoncé la fin du monde, et d'une manière qu'il croyait mathématique, et que personne n'ait suivi. Et donc, il a dit, bon, c'est comme ça, je me replie chez moi, et vous êtes tous égaux. Enfin, c'est ma version. Mais en fait, je pense que ça correspond assez à son personnage. C'est-à-dire que le gars, il est tellement entier qu'il n'acceptait pas un demi-échec. Et donc, il s'est mis d'abord dans le Vaucluse, quelques années, et puis il a trouvé qu'il y avait encore... Alors là, il a eu le prix Crawford, la télé Fer 3 est venue l'interviewer, il est parti en courant dans la forêt, et les gars, parce qu'il ne voulait pas être à la télé. Les gars, ils se sont dit, quoi? Un gars qui ne veut pas être à la télé? Qu'est-ce que c'est ce gars-là? Il est fou. Ça prouve bien qu'il est fou. Et donc, déjà, ça lui fait une super réputation. Alors, il est trouvé encore qu'il y avait trop de monde qui connaissait son adresse. Donc, il est parti dans l'Ariège, pas très loin d'où son père avait été interné, avant de partir en camp de concentration. Et il s'est installé, et personne ne savait qui c'était, dans son village. Et personne n'avait son adresse, il interdisait à qui que ce soit de transmettre le peu qu'il savait son adresse de transmettre. Moi, j'ai même pas essayé de le revoir parce que bon, s'il voulait rester seul, c'est son problème. Moi, je n'ai pas regardé. Il y a des gars qui sont passés outre, plusieurs, et qui sont allés le voir. Ils se sont fait soit jeter, soit s'il était de bonne humeur, ils se sont fait accepter. Enfin bon, mais de toute manière, c'était toujours du bout des lèvres. Et de toute manière, c'était plus vraiment le même homme. C'est-à-dire que là, il était dans la mystique complète. Hein. C'est-à-dire que. Il parlait avec Dieu, bon, c'était quand même, il chantait des mantras toute la journée. Bon, il a écrit comme ça 20 000 pages de ses réflexions. Il y en a une partie, comme vous avez dit d'ailleurs, sur Internet. Il y a un truc qui s'appelle Moisson et Semaille, un truc 1500 pages, je ne sais plus, qui se trouve sur Internet, qui est lisible, parce qu'il raconte, il mélange les mathématiques avec sa vie, avec tout ça, c'est un truc de fou. Aucun éditeur, évidemment, n'a voulu l'imprimer, mais vous le trouvez sur Internet. Je dis, il faut s'accrocher, hein. Et d'autre part, là, ce qui est rigolo, c'est que hier, dans le journal de Montpellier, il y avait un procès, parce que les 20 000 pages qu'il a laissées, il a tout brûlé, sauf ces pages qu'il a données à son ancien étudiant, qui est maintenant prof de maths à l'université de Montpellier. Et le gars, alors c'était des griffouillis sur des bouts de carton, bon, etc., a mélangé des formules avec des réflexions sur la vie et sur Dieu. Donc, le prof qui avait hérité de ça, il ne savait pas quoi en faire. Il a donné à l'université de Montpellier, qui est en train en ce moment de le numériser. Ils ont fait une super réception mettre dans les archives de Montpellier ce truc-là, ces 20 000 pages. Et la famille a été invitée. Elle était écœurée parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit une grande réception avec des élus plus nuls les uns que les autres qui disaient oui, nous, vote indique, pas de problème, on est la meilleure université du monde, etc. Donc la famille a été un peu vexée, elle trouvait que c'était pas du tout à la mesure du bonhomme, que c'était con, ils avaient pas raison. Et puis maintenant, là je lisais hier dans le journal, ils sont en procès, l'université de Montpellier, contre la famille, parce que chacun veut les 20 000 pages, où ils s'imaginent qu'il y a le E égale MC2. Alors ils sont persuadés, moi j'en doute, mais enfin bon, on sait jamais, avec Cotendic tout est possible. Hein. À mon avis, il ne s'intéressait plus de très près à tous ces trucs-là à la fin de sa vie. Mais enfin, c'était un mec tellement brillant qu'on ne sait jamais. Hein. Mais en tout cas, ils sont persuadés, personne n'a jamais pu arriver à les chiffrer sérieusement, personne s'y attend. La mise au page, il faut se désaffiner. Hein. Moi, je parle, les gars qui l'ont lu, rien trouvé. C'est des équilibrations, quoi. Le gars qui est au bout du rouleau, qui était plus ou moins cardiaque, hein, à la fin de sa vie, qui était à la limite. Et donc, moi je pense qu'on n'en sortira rien, mais n'empêche qu'ils sont en procès actuellement. Hier, je lisais ça, ils sont en procès la famille avec l'université de Montpellier sur les 20 000 pages de Cotendic. Parce qu'ils s'imaginent, parce que la famille veut vendre les 20 000 pages à une université américaine. Donc, ça fait pas ça. Qui c'est la famille, La famille, ben, c'est comme il a eu 5 femmes. J'espère que c'est pas Samara, c'est sûrement pas sa petite fille. Non, c'est la famille de Paris. Ouais. Et donc, en tout cas, c'est une histoire de fou, quoi. C'est vraiment incroyable. Alors, en 1988, comme je vous disais, il prenait sa retraite dans le Vaucluse. En 1991, il se retire en Ariège sans donner son adresse. Et alors là, il interdit non seulement que qui que ce soit connaisse son adresse, il coupe toutes les ponts. D'ailleurs, là-bas, il ne se faisait plus appeler Cotendic, il se faisait appeler Alexandre. Et puis, il écrit aussi à ses élèves interdiction de publier tout écrit de moi, de mon vivant. C'est-à-dire que, interdiction, même ses publications, il ne voulait plus qu'on les lise. Parce qu'évidemment, il a pris le contre-pied, c'est bien du Cotendic, ça. Il a pris un contre-pied tellement violent et tellement... Il ne faisait rien à moitié, ce gars-là. Donc, il a pris un contre-pied tellement fort que, ah bon, vous ne le voulez pas, je reprends tout. Voilà, c'est un peu ça, son truc. Et donc, alors, après, jusqu'à sa mort, qui paraît pas vieille, hein, ça date de 2014. Donc, c'est tout récent. Alors, maintenant, il y a plein de gens qui connaissent Cotendic, alors que moi, je n'arrivais jamais à trouver quelqu'un qui connaisse son nom. Bon. Alors, pendant 20 ans de médication et de mysticisme, il a coupé les ponts avec ses amis et ses enfants. Alors, le peu de gens qui l'ont rencontré estiment qu'il était bien paranoïaque. Et puis, en 2014, décès, donc. Alors, après, aussitôt la mort, alors là, ça devient, si le coup d'être mort, comme disait Brassens, les morts sont tous des morts de type. Et là, d'un seul coup, numéro spécial de la recherche. Alors, il y a, pour la petite histoire, pour les ceux qui veulent aller plus loin, il y a d'une part des articles de sa revue Survivre et Vivre qui ont été publiés sous cette forme, Survivre et Vivre, critique de la science. Bon, alors là, c'est tout pas seulement des articles de lui, mais c'est une sorte de condensé de tous les meilleurs articles de sa revue. Et puis, il y a un bouquin qui raconte un peu la vie de son père. Et puis, il y a ce bouquin qui est là, et qui est bien, qui est très sérieux. C'est vraiment, ça a été bien fait. Alors maintenant, c'est là qu'on voit que, quand on fréquente, moi, j'ai dû discuter, je ne sais pas moi, 20, 30 heures d'affilée avec lui, hein, si on mélange toutes les réunions, les discussions. Et il a passé, je ne sais pas, il était à peu près tous les deux mois chez moi, j'ai jamais pris une photo de lui avec moi, j'ai jamais parlé d'écologie, j'ai jamais parlé d'anarchisme. Et là, au moment de là, je regrette, mais c'est trop tard. Je n'ai pas été trop bavard. Si vous avez des questions, allez-y. Bah, allez-y, comme vous n'êtes pas nombreux, posez directement les questions à Pierre. Je sais que Marc va ouvrir le débat parce qu'il est en train de lire un petit bouquin qui vient juste de sortir. C'est quoi ? Yann Fabius Alger. Ah oui, j'ai entendu parler, mais je n'ai pas lu. Avec beaucoup d'anecdotes, je pense que quelqu'un qui a dû le connaître avec le mathématicien. Et aussi, il y a eu un film sur lui qui est passé à Marseille. Très peu diffusé. Au variété, il est passé au variété à Marseille. C'est l'équipe de Survivre et Vivre. C'est l'équipe de Marseille, de la fac de Saint-Charles. Alors, en ce moment, c'est amusant parce qu'il y a une sorte de mythe qui est en train de monter. C'est-à-dire que, non seulement, alors qu'on n'en parlait pas quand il était vivant, maintenant, il y a plein de gens qui s'intéressent, et deuxièmement, les anards, qui n'avaient jamais entendu parler à ma connaissance, d'un seul coup, j'ai reçu des mails, mais oui, je le connaissais, la preuve, regardez, j'en parle dans tel truc. Moi, j'avais jamais entendu parler, mais bon, je ne connais pas tous les anards de France. Et maintenant, il se forme un truc, c'est-à-dire que les gens, ils en arrivent maintenant à en faire une légende. La terre refermée. Et donc, ils arrivent même à fabuler, parce que moi, je connaissais suffisamment Grothendieck pour savoir que quand ils disent que Grothendieck n'était pas croyant, c'est pas vrai. Il était très croyant, il était mystique même. Et donc, actuellement, c'est en train de... Et donc, il y a différentes versions maintenant qui commencent à apparaître de Grothendieck, et les gens ne comprennent pas pourquoi il a laissé tomber comme ça, il est parti, il s'est enfermé, il a tout brûlé, etc. Donc les gens ne comprennent pas. Moi je pense que j'ai mon explication, qui a repris d'ailleurs presque dans les mêmes termes que mon truc que j'avais foutu sur Internet, dans sa conclusion, le gars qui a fait le bouquin, c'est-à-dire qu'en réalité, il a été vexé, c'est tout. C'était un gars qui était tellement entier qu'il mettait le paquet, il allait jusqu'à trouver la solution, et quand il avait trouvé la solution, il a donné. Et en mathématiques, quand vous avez prouvé le truc que c'est imparable, ben, tout le monde est obligé de suivre. Mais en société, c'est pas pareil. C'est pas parce que vous dites comment dans le mur qu'on vous croit. Et donc, à mon avis, c'est ça qu'il a. Parce que c'était un gars qui allait jusqu'au fond. Hein, il faisait pas les choses à moitié et qui avait une puissance de travail gigantesque. Il y a eu des articles à savoir intéressants par les mathématiciens même, les Cartier notamment. Oui, mais c'était parfois à la limite du visible, hein, parce que là, c'était des gars, on voyait bien que c'était des polars. Oui, non, mais il mettait bien le doigt sur ce qu'il avait ouvert comme possibilité de recherche, c'est ça que je veux dire. Notamment, je crois que c'est entre la géométrie algébrique. Il a créé une branche des mathématiques qui s'est énormément développée, mais qu'il a créé quasiment de rien. Et il a repris toutes les connaissances mathématiques, enfin pas toutes, mais une bonne partie des connaissances mathématiques, en revenant à la source. Ce qui fait qu'il arrivait à renouveler des idées qui étaient archi connues, parce que lui, d'habitude, quand vous faites la science, vous prenez ce qui est connu et vous essayez d'ajouter votre petit caillou. Lui, non. Lui, c'était complètement la mer. C'est-à-dire qu'il reposait tout au départ, il essayait de repenser tout, et après, il remontait le système. Donc, parfois, il perdait son temps, mais comme il avait quand même des capacités hors du commun, parfois, il renouvelait complètement des trucs qui étaient connus. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on considère que la plupart des mathématiciens actuels sont des héritiers de Grothendieck. Et donc, il a eu une influence énorme. Oui, Pierre Cartier disait que ce n'était même pas encore assez exploité ce qu'il avait trouvé. Oui, il semblerait que dans ces cartons-là, en question, il y ait... En plus, lui, il n'était pas du tout content que ses élèves aient eu des médailles Fields. Il estimait qu'il avait pillé, tout simplement. C'est-à-dire qu'en réalité, d'après lui, en tout cas, il considérait que ses élèves avaient utilisé ce qu'il avait trouvé. Il avait déjà donné... Parce que lui, ce n'était pas le gars qui allait dans les détails. C'était le visionnaire. Il voyait tout au départ, et puis après, il distribuait ça aux étudiants pour qu'ils aillent plus loin. Et donc, il y en a certains qui ont poussé plus loin, et qui ont eu des médailles Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel, mais ils estiment qu'ils n'ont fait qu'appliquer un truc, que c'est lui qui leur a donné l'idée. Et ça, moi qui suis dans le milieu, toi aussi, c'est assez courant dans ces milieux. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez des étudiants qui se servent de vos idées et qui après disent « mais non, j'ai rien à voir avec le gars », ça c'est... Parce que c'est plutôt le contraire qui se produit. C'est les profs, souvent, qui piquent les idées des étudiants. Ça arrive aussi. Mais de toute manière, enfin bon, ça c'est un autre débat que Grothendieck, mais il faut voir aussi qu'actuellement, la recherche est particulière. C'est-à-dire qu'actuellement, les chercheurs ont tellement moins d'argent qu'ils passent leur temps, non plus à chercher des découvertes, mais à chercher du fric. Et donc, ils sont obligés de s'appuyer sur les étudiants pour faire le boulot. Et donc, il y a des abus, évidemment. Pardon. Dans les livres Robert Armin Cherini sur l'occupation des nazis à Marseille et la résistance, j'ai lu sur le groupe international de Wolline, Boris Eichenbaum, avec Andrea Rue aussi, qui ont sauvé des juifs, que Johanna Grothendieck faisait partie de cette groupe. Tu vois, c'est intéressant, ça. Et Johanna, c'est sa fille, c'est la même. Elle est décrite en tant que protestante, venant d'une famille de Hambourg. Mais c'est pas Hanka, c'est Johanna. Ah, d'accord. Si elle vient de Hambourg, c'est normal. Ouais, d'accord. En tout cas, c'est intéressant, parce que Sylvie, qui a fait un bouquin sur Arun, à mon avis, ne connaît pas ça. Et ça mériterait de lui dire. Toi qui la connais bien, tu devrais lui dire. Parce qu'en fait, Hanka, c'est le... Donc, nous sommes faire. Oui, c'est diminutif. C'est pour ça que c'est compliqué. Il y a des gens qui vont dire « Ah oh ouais, mais c'est pas le nom de son père. » Mais son père, il avait 4 ou 5 noms, et en plus, il avait des tas de faux noms. Après, suivant l'écriture, comme c'était du cyrillique, vous pouvez l'écrire différemment. Alexandre, vous pouvez écrire Alexandre, Alexander, enfin... Donc c'est une bouteille à l'encre, ce truc-là. Ça, moi, de toute manière, je ne suis pas historien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre qui est le botanique. Je t'en prie d'avoir dit avant l'âge. Waouh. Là, tu peux plus parler. C'est la poétique ce soir. Là, tu peux plus parler. Là. Bah, surtout que j'allais parler d'un poseur de bombes, alors. Oui, j'aime le côté courtendique qui fout la médaille de Fields en l'air et qui surtout dit stoppez tout, c'est complètement, il faut arrêter quoi. Ouais. Et je mets un petit parallèle avec Una Bomber. Ah oui. Ça y est, j'ai perdu son nom en vrai. Merci. Voilà, qui fait autrement. Mais quelque part, l'idée est un peu la même. Enfin, lui, il utilise la technologie pour lutter contre la technologie. Il n'y a jamais de violence, alors. Oui, tout à fait. Je précise bien que ce n'est pas du tout le même. La bombeur, elle a mis des bombes. On peut quand même dire que la réflexion sur la société et sur là où mène la science, elle est la même. Voilà. C'est pour ça qu'en réalité, d'ailleurs, un des gars qui m'a envoyé, qui a reçu votre truc, là, qui est un anarque que je n'ai jamais vu, m'a dit, mais attention, botanique, c'est pas l'anarchie, hein, c'est pas seulement l'anarchisme, c'est un nouvel anarchisme, c'est-à-dire un écolo, nouveau style, etc. Et il a, à mon avis, il a raison. Ceci dit, c'est loin d'être le premier. Quand tu regardes, pour ceux qui connaissent les littératures, Thoreau, c'est une autre époque que Cotendick, et il en a dit 100 fois plus que Cotendick dans ce domaine. Hein. Mais c'est toujours pareil, les gens me donnent de Dieu et d'idole, et Cotendick, en réalité, il n'a rien trouvé, Cotendick, à mon avis. Mais par contre, c'était quand même un mec extraordinaire, ça c'est sûr. Après, le parallèle entre les deux, il va aussi dans le côté ermite, parce que Una Bomber, avant d'être en sol et avant de s'être fait gauler, etc., il vivait dans les bois, dans ses cabanes, à 90% en autarcie. Oui, mais il envoyait des lettres avec des bombes. Alors que Grothendieck, il a resté chez lui. Il écrivait, c'est tout, Grothendieck. Hein. Ces bombes, c'était des écritures qui sont maintenant à Montpellier, qui foutent la merde d'ailleurs, qui ont fait la bombe, parce qu'elle a explosé, parce qu'il y a des procès. Mais enfin, c'était pas du tout violent, Grothendieck. Ça rejoint la radicalité de Gunther Anders dans l'obsolescence de l'homme, c'est tout à fait cet état d'esprit-là. Ouais. Et par contre, ce que tu disais, que bon, il avait une idée, tout ça, il allait... Il avait une... Quand il avait une idée globale, etc., et puis distribuer à droite et à gauche, c'était très écolo, c'était ce qu'on appelle les rhizomes. Oui, mais donc, tu pourrais considérer ça aussi comme l'exploitation des clients. C'est pas comme les choses. Il ne le gardait pas pour lui. Il en faisait profiter les autres. C'est pas aussi simple. Moi, j'ai vécu ce truc-là. Hein. C'est pas seulement botanique. C'est-à-dire que tu donnes des idées à un étudiant qui fait une carrière et puis ensuite qui te dit « Moi, j'ai rien à voir », etc. Et suivant comment c'est dit, tu as soit le gars qui te dit que tu as exploité... Moi, j'ai, par exemple, un cas particulier... J'ai un gars qui est maintenant une célébrité mondiale, je l'ai recruté au CNRS, je l'ai guidé et tout ça, et quand j'ai essayé de le faire entrer au CNRS, on a dit c'est Joventin qui lui fait tout le boulot. Et quand moi, ma carrière a été examinée, on a dit c'est l'autre gars qui fait tout le boulot. Vous voyez ce que ça peut être, hein, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'on a croisé les trucs, on a utilisé le même argument dans les sens opposés. Alors vous voyez dans ces milieux, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'imaginer que dans la science, c'est tout beau, et c'est des hommes, hein. c'est comme tout le monde. Hein. Moi, j'ai une petite contradiction avec toi quand tu dis que la science est responsable des technologies. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Qu'est-ce que tu entends? Alors il faudrait définir qu'est-ce qu'on entend par science. C'est-à-dire, c'est... Parce que si tu dis ça, ça veut dire que la découverte d'Einstein ou de tas d'autres gens et tout, entre autres, entraîne automatiquement la bombe atomique. C'est ce qu'a dit Einstein. Je te signale qu'Einstein a envoyé une lettre au président Eisenhower en lui disant attention, Hitler est en train de préparer la bombe parce qu'ils n'étaient pas loin. Ils ont été arrêtés par les Hitler et toute la clique qui est autour, qui a dit attention, ça touche à la matière, il ne faut pas toucher à ça. Donc ils ont arrêté. Mais les Américains ne savaient pas. Et comme ils savaient qu'ils étaient très près, Einstein a estimé qu'il était absolument, comme il était en plus juif, et qu'il savait tout ce qui s'était passé là-bas, les camps de concentration et tout ça, il a envoyé une lettre pour dire il faut absolument faire la bombe atomique, parce que sinon, ils vont la faire avant nous, et après c'est foutu. Or, ils ont fait la bombe atomique. C'est une décision politique. Ça. Non, mais c'est pas la CIA, c'est si tu me laisses rien. Et donc, après, ils ont fait la bombe atomique, bon, etc., vous connaissez l'histoire, et là, Einstein a dit en public à des journalistes, c'est archivé, si j'avais su, j'aurais été plombier. Oui, mais c'est quand même Oppenheimer qui a donné l'autorisation qu'on balance les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Oui, mais n'empêche, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est qu'Einstein s'estimait responsable. Oui, il a dit j'aurais dû être plombier, je me suis trompé de boulot, ça veut dire quelque chose. À mon avis, et c'est pour ça que Gotenik a coupé net les recherches en mathématiques, parce que d'un seul coup, il s'est dit je suis responsable, donc je ne peux plus faire de mathématiques. Donc il les a faites tout seul dans son coin pour s'amuser, mais il ne les publiait plus. Et il ne voulait surtout pas qu'on les lise parce qu'on risquait de s'en servir. Non, tu n'es pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord parce que ça veut dire que si tu veux. Pour moi, c'est une pensée. La science. C'est une pensée mystique pour moi. C'est-à-dire, c'est d'avoir un regard comme ça, je pense que la science avant tout, c'est une philosophie. C'est-à-dire, c'est l'opposé du mysticisme, de la croyance ou de tout ça. C'est-à-dire que c'est un développement d'idées qui permet de trouver une vérité entre parenthèses à un moment donné qui colle avec des faits et tout, mais qui laisse tout le temps la porte ouverte à un changement. Et on prend l'exemple de la bombe atomique. Le fait, c'est pas, je ne pense pas que ce soit les scientifiques qui soient responsables de la bombe atomique. Je pense que c'est une décision politique qui a été prise. Et comme actuellement, on nous dit que c'est la science qui l'a faute. Moi, je dis, c'est pas la recherche en elle-même qu'il faut accuser. C'est, si tu veux, de cette recherche, quelle technologie on en développe, et cette technologie, on la développe pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi le capitalisme va développer telle technologie et pas telle technologie? C'est cette question qui pose aussi. Je vais te répondre par une anecdote, un bout de ma vie, c'est-à-dire, on avait cette discussion, j'en ai eu plusieurs fois cette discussion avec Gotenik. Gotenik me disait, bon, poliment, mais il me disait, t'es un pourri, quoi, en fait. Toi, tu es un complice, tu continues à faire de la recherche, tu te régales, mais tu ne te rends pas compte du danger que ça représente. Il faut s'arrêter de faire de la recherche. Donc cette discussion, on l'a eue, je ne sais pas, 4 ou 5 fois avec Gotenik. Et donc, lui me reprochait de continuer la recherche, et c'était. Et moi, je lui ai dit, non, je ne suis pas d'accord. D'abord, si on est, d'abord, la science et la technologie, ce n'est pas la même chose. Deuxièmement, je lui disais, moi, je me suis volontairement cantonné dans des domaines qui sont inapplicables. Moi, je travaillais sur les manchots. Les manchots, c'est dur à appliquer. Vous savez, avec ça, on ne fait pas beaucoup de bombes atomiques. Et pourquoi j'ai fait ça, moi? Parce que moi, depuis le début de ma carrière, je savais très bien que je ne voulais pas me foutre dans ces trucs-là. Donc j'ai choisi volontairement des sujets qui sont inutilisables. Et j'estime que j'ai arnaqué bien l'État, parce que j'ai fait 230 articles dans des revues internationales, dont 3, par exemple, dans Nature, qui est la plus grande revue. Mais j'ai largement rendu ce qu'on m'avait donné en salaire, mais je me suis démerdé pour que ça ne serve à rien. Parce que je ne voulais surtout pas que ça serve. Alors que, par exemple, Gotenik, lui, s'est fait piéger parce qu'il n'avait pas pensé à tout ça au départ. Et par contre, il s'est rendu compte, et d'ailleurs ça se confirme actuellement, que ces mathématiques sont actuellement utilisées par l'informatique. C'est-à-dire que, en réalité, à l'époque, c'est comme le laser. Le laser, au départ, le gars qui avait ça, il a dit « c'est inutilisable, ça ne sert à rien ». Et puis regardez ce qu'on a fait du laser. Vous ne pouvez pas savoir, surtout en mathématiques, quand vous faites quelque chose, ce que ça va donner. Ceci dit, moi, une autre réponse que j'ai donnée à Gotenik, c'est que si on commence à attaquer la science, qu'est-ce que c'est la science? Ce n'est rien de plus que la logique, la raison. Et donc, à ce moment-là, il faut aller un peu plus loin, et il faut condamner l'homme, l'espèce humaine. Parce qu'on a une trop grosse tête, et on est obligé de faire marcher notre tête, et on trouve des trucs, et alors après, il y a toujours un connard qui l'exploite, et qui emmerde les autres avec, c'est tout. Ça va venir. Il cherche, dans ses recherches, il avance. Quelquefois par hasard, quelquefois sans hasard, il trouve quelque chose. Ce pourquoi on doit lutter et obstinément, c'est sur les applications qui en sont faites. Parce que Einstein a trouvé quelque chose d'extraordinaire par rapport à la fissibilité de l'atome, etc., etc., la fission de l'atome, pardon. Et après, c'est l'exploitation exactement politico-économique par le qui en est faite, c'est contre ça qu'on doit lutter. Parce qu'un chercheur, il faut qu'il avance dans ses recherches. Il trouve quelque chose. Bon, ben ça va, quoi. On peut pas le tuer parce qu'il a trouvé quelque chose. Vous êtes tous d'accord ? C'est qu'il tue personne. Il y a peut-être un risque, de toute façon, à partir du moment... lui, celui qui cherche, il ne peut jamais savoir ce qui va être fait de ce qu'il... Non, mais si, mais si. Donc, par exemple, dans le cas d'Einstein, il a su ça. Quand on a fait la bombe atomique... Lui, il a refusé qu'on la largue sur Nagasaki et Hiroshima. Mais on l'a pas écouté. Mais Oppenheimer a donné son accord. Voilà. C'est pour ça. Mais les scientifiques, ils cherchent pas tout seuls. Les scientifiques, ils ont des crédits. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure. Et du coup, je pense que ça fait quand même... C'est pas nouveau que... qui va donner des sous aux scientifiques pour la recherche, les industriels qui ont des arrière-pensées derrière. Et les scientifiques ne devraient pas être naïfs vis-à-vis de ça, peut-être. Je vais plus loin. Moi, je dis que non seulement... Bon, dans le cas de Hugo-Technique, je suis certain qu'il n'avait pas d'idée et qu'il s'est fait piéger. Et donc, il était naïf d'une certaine mesure parce qu'il est entré dans la science, dans la mathématique, en voyant que l'aspect découverte, originalité, en fait, tout ça, donc c'était un truc de l'esprit, quoi. C'était, en fait, et avec une arrière-pensée mystique, c'est-à-dire, on découvre le monde. Bon, un peu comme le naturaliste qui à travers. Hein, comme découvre l'esprit. Quoi? On découvre, on explique. Non, mais c'est plus que ça. C'est la, on appelle ça la. Je sais pas comment on appelle ça. La religion naturelle. C'est-à-dire que quand vous prenez une fleur avant, pourquoi en 1750-1800, la plupart des botanistes étaient des pasteurs? Parce qu'en regardant une fleur, ça prouvait l'existence de Dieu. C'est-à-dire que c'était tellement complexe. Que ça pouvait pas être explicable autrement que par Dieu. C'est Darwin, qui lui d'ailleurs avait fait des études de pasteur, ce que je raconte dans mon bouquin, qui justement s'est dit ça suffit pas comme explication. Pourquoi pasteur? Alors là, je pars sur Darwin, mais enfin bon, ça rejoint sur le truc. Darwin, il a perdu sa fille, qui avait 10 ans, qui était super gentille, super intelligente, et il s'est dit c'est pas possible qu'il y ait un Dieu derrière qui fasse des saloperies pareilles. Et donc il a dit, le fait qu'il y ait mal dans le monde, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Et la phrase que répète d'ailleurs dans son bouquin le gars, là, dans sa biographie, mais qui est archi connue, de Grothendieck, c'est que sur le marché de Saint-Girons, en Ariège, quand il rencontrait les gens, les paysans du coin, les gens qui le connaissaient un peu, le peu de gens qui le connaissaient, il disait, mais pourquoi le mal existe-t-il? Ça veut dire que pourquoi... Alors qu'il y a des trucs qui sont si logiques, dont les mathématiques, etc., on peut arriver à des conneries pareilles. Et un autre argument que Darwin a utilisé, non seulement il a perdu sa fille, et ça l'a complètement... À l'époque, il était agnostique, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas prouver que Dieu existe, mais il ne pouvait pas non plus prouver que Dieu n'existe pas, il n'était pas vraiment athée. Mais après, il devient vraiment... Il ne dit pas qu'il est athée, mais on voit bien qu'il a des positions tranchées, parce qu'à partir de la mort de sa fille, il s'est dit que ce n'est pas possible. Et il rajoute, et là c'est là qu'on voit le biologiste, il dit, pour que le parasitisme existe, c'est-à-dire qu'il y a des guêpes qui pondent dans une chenille leurs enfants, leurs œufs, qui vont manger petit à petit la chenille, quel dieu peut être assez pervers pour avoir inventé une saloperie pareille? Vous comprenez? Il y a tout un débat là derrière. Mais quand on dit saloperie, c'est un point de vue moraliste. C'est moraliste, ben oui. C'est pour ça qu'en réalité, dans la nature, il n'y a pas de morale. Hein. Mais si vous mettez Dieu, vous réintroduisez la morale. Hein. Et donc, à ce moment-là, comment Dieu peut-il arriver à faire... Dire que Dieu est moral, c'est l'humaniser, déjà, non? Est-ce que chez Grothendieck, c'était vraiment une question de morale? Je crois pas. Ah oui, oui, pour qu'il dise « Pourquoi le mal existe-t-il ? » C'est que très moral. Non, ça. Mais au moment où il lâche tout, là, pas à la fin, quand il est un peu dans sa folie. Mais je pense que même quand il était parano, je pense que c'est la suite logique de son époque antérieure. C'est-à-dire que même quand il est parano, pourquoi le mal existe-t-il ? Ça veut dire comment se fait-il que les mathématiques soient si belles, comme un biologiste pourrait dire, ou Darwin par exemple, comment se fait-il que la nature soit si belle, et que néanmoins, Il peut y avoir un dieu qui crée des saloperies pareilles, les guerres et tout ça, c'est ça qui a... Est-ce qu'on peut pas penser qu'il s'est pris, il a eu peur d'être comme un démiurge lui-même, quoi, Grothendieck, d'avoir ce pouvoir par ce qu'il trouvait. Mais non, je pense qu'il était scandalisé. C'est-à-dire pourquoi il disait sur le marché, surtout à des paysans, pourquoi le mal existe-t-il? Ça veut dire comment ça se fait qu'on vive dans une société. Et même pour les anards, je pense, pour des gens normaux, même, on se pose le problème. Comment ça se fait qu'il y ait tant de misère dans le monde? Comment, si Dieu existe, comment il a pu faire un truc pareil? Comment il peut être coupable d'un truc pareil? Parce qu'on a 1% de riches, d'ultra-riches, qui ont 67% de la richesse du monde. Voilà, c'est tout. Alors tu élimines le 1%, il reste quand même 67% qu'on peut se partager. Alors moi, je partirais de pas de vue. Si on parle de pas de vue, en amont, je veux dire, comment ça peut exister, quoi. Oui, mais de croire que les pauvres seraient vertueux parce qu'ils sont pauvres, c'est une erreur à pas commettre. Quand l'analyse de Camus, la relation maître-esclave, bon, ben voilà. Moi, dans la phrase de Grothendieck, c'est quoi déjà? Pourquoi le mal existe-t-il? Moi, je pars aussi volontiers, et du coup, avec lui encore plus, vers la logique. Donc, moi, je ne suis pas Grothendieck, hein, je ne suis pas aussi génial que mais lui, moi, je suis juste prof de maths, mais je trouve sans arrêt, justement, que rien n'est logique. C'est du bon sens. Donc, c'est je n'ai même pas besoin de savoir si c'est Dieu, si c'est moral, voilà, si c'est nous. C'est juste que ça n'est pas une logique. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est-à-dire, la logique, c'était, il y avait une terre qui, visiblement, était quand même assez accueillante. Il y avait des hommes dessus, des animaux, des machins, des trucs. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Ça devait rouler. Et à un moment donné, ça s'est mis à plus rouler du tout, quoi. Voilà. Pour moi, ça n'est pas logique. Tout simplement. Tout simplement pas logique. Je n'ai même pas besoin de savoir si c'est, si c'est Dieu, si c'est Dieu qui a merdé, si c'est Dieu qui a merdé. J'en sais rien. Il y a juste que les hommes, déjà tout seuls, ils ont merdé par manque de logique. Voilà. Pour moi, la logique, elle veut juste que tu te lèves le matin, que tu vives le plus peinard possible, que tu profites le plus possible. À mon avis, les problèmes de Grothendieck ne sont pas des problèmes de mathématiciens, ce sont des problèmes de bon sens. Bon, il a poussé le truc à l'extrême. Et c'est pour ça que c'est un révélateur, Grothendieck. Parce qu'il ne s'est pas contenté de se dire, ah ben tiens, ça déconne, les gens ils sont pas sympas, etc. Lui, il faisait les trucs à fond. Donc quand il s'est mis dans les mathématiques et qu'il a cru découvrir un truc formidable, eh ben il a révolutionné les mathématiques, complètement. Et puis après, il s'est dit, oh mais les mathématiques c'est des sciences, et les sciences ont fait des bombes, j'arrête les mathématiques. Et, et puis après il a creusé, il s'est dit, oh mais ça, ce que tu viens de dire, comment ça se fait qu'on aille dans le mur? Et là, c'est plus un point de vue de mathématicien, c'est presque un point de vue biologiste. C'est-à-dire qu'on n'est pas construit pour faire des guerres. C'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va plus. Et donc, à ce moment-là, comment tu fais pour te retomber sur des pattes? Et ça, c'est insoluble. On avait été fait pour être sèche. On était des sèches qui, à un moment, un peu évolué qu'à là-dessus. C'était pas programmé, cet accident. C'est le thème exactement du bouquin que je viens de terminer, qui va sortir en septembre et qui s'appelle L'homme, cet animal raté. Voilà, tout à fait. Et je te signale que j'ai envoyé le manuscrit à 10 éditeurs. Il y en a 7 qui m'ont pas répondu du tout, même pas accusé de réception. Il y en a 2 qui m'ont dit qu'ils ne les intéressaient pas. Et il y en a un qui l'a accepté, un tout petit éditeur. C'est ça. Vous allez raconter aux gens qui sont cons, ça n'a pas beaucoup de succès. Il y avait les dures. Attends. Ah, je voulais simplement dire que devant les problèmes de science et de conscience qui sont éternels, je crois que ça approcherait d'une vérité probable en tombant d'accord sur le fait que le grand mystère de la vie, c'est la prédation et qu'on n'échappera jamais à ça. C'est ce que Darwin disait. Darwin, il disait, en fin de compte, ses deux arguments contre Dieu, c'était la mort de sa fille et la prédation, c'est-à-dire que comment se fait-il qu'un lion, il se régale à tuer? Et donc, comment nous, en étant en tant qu'être humain et moral, on peut accepter que dans la nature, il y a des animaux qui se régalent à tuer? Il y a 10 000 ans qu'on a commencé à déraper, c'est-à-dire le vin mais qui c'est le train qui déraille. Pierre, c'est exactement ce que je voulais dire, justement, en me repenchant sur tout ce long passage, très très long, sur lequel il y a l'homme sur Terre, bon, qui évolue, d'accord, lentement, d'accord, mais bon. Et puis tout d'un coup, alors bon, toi tu mets le virage à moins de 10 000, bon, ok, on a commencé à déraper, alors effectivement... Ben, comme par hasard avec la propriété privée, parce que, presque, hein, mais tout marche, enfin, tout avec l'État, parce que ça y est, c'est fini, on met l'agriculture, on met les boulots, on met. Et puis, à quoi ? À moins de 2000, on dérape en plein. Et là, ça s'accélère, c'est exponentiel. Et là, il y a la technologie qui est exponentielle. Mais moi, je n'arrive même pas à le comprendre, ça. Non, moi, j'ai écouté Jouvencien. L'anarchisme, en fin de compte, moi, je pense que ce n'est pas le futur, c'est le passé. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, jusqu'à moins de 10 000 ans, on était des chasseurs-cueilleurs, et donc on était en équilibre avec le milieu, on ne vivait pas très longtemps, on ne se reproduisait pas beaucoup, mais en tout cas, on vivait dans un monde qui était humain. Et puis, à partir de moins de 10 000 ans, d'un seul coup, tout se casse la gueule, c'est-à-dire qu'en ce moment, sur 2 000 ans à peu près, ça dépend des régions, d'un seul coup, vous apparaissons. Alors, pourquoi ça apparaît? Il faut expliquer, c'est ce que j'explique dans mon bouquin. Pourquoi ça apparaît? Parce qu'à moins de 10 000 ans, d'abord, ils ont tellement tué le gibier qu'ils en ont moins, et donc ils sont obligés de passer à l'agriculture. Moi, je pense qu'en réalité, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas une découverte, mais c'est que des tas de chasseurs-cueilleurs connaissaient l'agriculture, mais l'exploitaient que de temps en temps. Alors que là, d'un seul coup, ils sont obligés de faire tout ça. C'est-à-dire que dans la mesure où ils exploitent l'agriculture et l'élevage, ils sont obligés de se sédentariser. Jusqu'à alors, les humains sont nomades, comme les animaux, c'est-à-dire que sitôt qu'ils exploitent un milieu, ils changent de coin, et à ce moment-là, ils réexploitent à nouveau le milieu, et le milieu a le temps de se renouveler. À partir de l'agriculture et de l'élevage, d'une part, on exploite la terre beaucoup mieux, ça demande beaucoup plus de travail, mais par contre, on a vachement de bouffe, et il faut se protéger contre les autres, parce qu'ils vont vous piquer la bouffe. C'est le début de la merde. Ça. Et donc, police, armée, roi, propriété privée, et toute la merde arrive. Donc là, on revient sur le sujet de l'anarchisme. C'est pour ça que moi, j'ai fait de la biologie, c'est pour expliquer ça. Bon, on arrête. Si vous voulez continuer à discuter, mais autour d'un verre. Merci.